Troisième temps de notre série 1919, année de la paix. Ce matin, nous nous intéressons aux révolutions socialistes qui se sont développées en Allemagne entre l'automne 1918 et l'hiver 1919. Après avoir évoqué lundi avec l'historien des relations internationales Georges-Marie Soutou les tensions provoquées encore aujourd'hui par le traité de Versailles et ceux qui ont suivi, puis hier nous être intéressés au débat entre économistes sur les conséquences économiques de ces traités, nous allons ce matin nous arrêter sur les révolutions allemandes de 1918-1919 qui de Kiel à Munich en passant par Strasbourg et Berlin précipitèrent la chute de l'Empire et firent de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht des martyrs de cette même révolution socialiste en Allemagne. Une émission co-animée par Victor Massé de l'Épinay qui a préparé toutes les séries d'émissions autour de 1919 avec nous, avec pour invité Jean-Numa Ducange. Il est maître de conférence à l'Université de Rouen. Il est spécialisé dans les gauches françaises et germanophones et des reportages réalisés par William Irigoyen qui sera également avec nous. Il a assisté en particulier au centenaire de la République d'Alsace-Lorraine, la République socialiste d'Alsace-Lorraine à Strasbourg. Bonjour Victor Massé de l'Épinay. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jean-Numa Ducange. Bonjour. Merci d'être avec nous et bonjour à vous William Irigoyen. Alors donc, ce qu'on vient d'entendre, on pourrait ne pas s'en douter, ça s'est passé en Allemagne et vous l'avez enregistré l'année dernière, c'est cela ? Absolument, c'était donc pour le 99e anniversaire de cette fameuse révolution et les assassinats ciblés, comme on dit en Allemagne, de Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Il y a traditionnellement beaucoup de monde en Allemagne, ça se déroule le deuxième week-end de janvier, qui marque donc l'anniversaire de ce double meurtre, et il y a énormément de gens de gauche, et je dirais même d'extrême gauche. Il y a des représentants d'un parti qui s'appelle Die Linke en Allemagne, qui est donc la gauche de la gauche. Mais il y a aussi des marxistes-léninistes purs et durs. Il y a les représentants du DKP, qui est un parti communiste, et du KPD, qui est un autre parti communiste. Bref, il y a du monde dans les rues de Berlin, et surtout ce long cortège dévale les rues de Berlin et il se dirige en direction de ce fameux cimetière de Friedrichsfeld où sont les stèles, où se trouvent les stèles, y a-t-il des cadavres à l'intérieur? Ça, c'est une autre question de Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Alors, on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission, mais auparavant, nous parlerons d'une autre manifestation que vous avez suivie, qui fera la première partie de cette émission, à Strasbourg, William Irigoyen, une autre manifestation plus récente, puisque c'était le 90e anniversaire que vous aviez enregistré donc l'année dernière en janvier 2018 à Berlin, mais là c'était en novembre 2018. C'était en novembre 2018, le 6 novembre 2018, il y a eu une opération qui s'est appelée les 100 ans du drapeau rouge en Alsace. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que, il faut le rappeler, l'Alsace-Lorraine était à l'époque une possession du Reich, de l'Empire, et qu'ensuite, eh bien, il est arrivé un certain nombre de choses également à Strasbourg et dans d'autres villes, Mulhouse, Colmar, etc. etc. Alors Jean-Numa Ducange, il faut dire que cette question des révolutions socialistes en Allemagne, elle est présente pour tous les terminales depuis plusieurs années, puisque il y a ce cours qui s'intitule « Socialisme et communisme en Allemagne de 1914 à 1945 » et je crois même qu'il se poursuit après 1945. Ça n'est pas le plus simple des cours de terminal, puisqu'il faut réapprendre ce qu'était le mouvement ouvrier, les syndicats dans la Prusse et puis ensuite dans le Reich allemand. Ça n'est pas très simple, mais néanmoins, ça fait partie de ce que tout élève de terminal aujourd'hui doit savoir pour préparer son baccalauréat. Et tout compte fait, un élève de terminal en sait sûrement beaucoup plus sur ces sujets-là que ses parents, parce que ces révolutions allemandes sont très peu connues, sauf si on a participé de près ou de loin à des mouvements de gauche ou d'extrême gauche en France où la mémoire, pourrait-on dire, de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht est maintenue. Il y a deux symboles, effectivement, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Les noms disent quelque chose, mais quant au processus révolutionnaire lui-même, il est globalement peu connu. Vous savez, il y a un ouvrage qui était paru à la fin des années 60 en Allemagne qui s'appelait « La révolution oubliée ». Même en Allemagne, cette révolution avait été un petit peu refoulée, car contrairement à d'autres processus révolutionnaires, même la révolution bolchevique, la révolution russe, qui est d'ailleurs essentielle pour comprendre l'impact qu'elle a en Allemagne, hein, les deux sont intrinsèquement liés, cette révolution allemande se termine mal, puisqu'il y a l'assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, et en réalité, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, il y a des discussions entre historiens, mais on peut aller au moins jusqu'à l'année 1923, l'Allemagne est confrontée à une véritable guerre civile. C'est entre Allemands que cette révolution a lieu, c'est entre Allemands que la répression a lieu. Donc c'est pour cela que cette révolution n'a pas nécessairement bonne presse, outre le fait que si vous prenez le cas français, bien sûr, il y a déjà la révolution française, il y a la révolution de 1830, les révolutions de 1848, il y a la Commune de Paris. Toutes ces révolutions qui sont d'une certaine manière, ne se terminent pas forcément bien, mais plus glorieuses que la révolution allemande. Et puis évidemment, quand on pense à la révolution allemande de 1819, on a en tête la fin de la République de Weimar, parce que ces révolutions marque avant tout le début de la République de Weimar. Et évidemment, la fin de la République de Weimar, c'est le triomphe d'Hitler et donc la fin de toute une époque. Donc évidemment, ces révolutions n'ont pas eu la postérité peut-être qu'elle méritait. Victor Massé de l'Épinay. Alors Emmanuel vient de nous donner le titre de ce chapitre du programme de Terminal, Socialisme et communisme en Allemagne de 1914 à 1945. Pourquoi est-ce que cette histoire des révolutions allemandes, Jean-Numa Ducange, commence en 1914, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les concepteurs des programmes français font commencer cette histoire-là au début de la Première Guerre mondiale? Parce que le pari historique de la social-démocratie allemande, qui avant la Première Guerre mondiale, il faut le rappeler, était le premier parti ouvrier au monde, le plus puissant, c'est le premier parti au Reichstag aux élections de 1912, ce parti-là avait notamment pour fonction de tout faire pour empêcher ce qui s'était déjà passé en 1870-1871, la guerre entre la France et l'Allemagne. De grandes campagnes pour la paix, autour de figures comme August Bebel, qui était le président du parti, qui était en lien avec Jean Jaurès, hein, son alter ego français. Voilà, un des paris, c'était cela. En 1914, ce pari, quelles que soient les raisons pour lesquelles tout cela arrive, eh bien, n'a pas été remporté. Et à partir de 1914, il va y avoir des lignes de fracture dans le Parti social-démocrate allemand, dont la plus emblématique, et elle nous dit déjà quelque chose de ce qui va se passer en 1918-1919, c'est en décembre, lors du renouvellement des crédits de guerre au Reichstag, un seul député vote seul, rompant avec la discipline de parti, la discipline du groupe parlementaire. Karl Liebknecht, hein, en décembre 1914, vote contre les crédits de guerre et donc entend renouer avec cette tradition pacifiste antimilitariste qui avait cours encore quelques mois plus tôt. Et cette tradition antimilitariste, d'ailleurs, posait quelques problèmes parce qu'il y avait cet internationalisme que l'on voulait entre les Français de gauche et les Allemands de gauche. Mais, par exemple, Rosa Luxembourg, vous le rappelez, Jean-Numa Ducange, n'était pas forcément d'accord avec les positions de Jean Jaurès, en particulier avec la question militaire, la question de la République. L'inscription de Jean Jaurès dans le paysage républicain français, pour elle, était une sorte de, peut-être pas de trahison de la cause ouvrière, mais néanmoins de vision un peu bourgeoise de ce qu'était la gauche française. Et donc, il y avait des tensions entre cette gauche extrême du parti SPD de l'époque et puis la gauche française de la même époque. Exactement. Pour beaucoup de personnalités de la gauche du SPD, de la social-démocratie allemande, d'une certaine manière, ils avaient du mal à comprendre ce que faisait Jean Jaurès et une partie des socialistes français, pour plusieurs raisons, mais j'en donnerai une qui est très importante pour comprendre l'histoire sociale des deux pays, c'est que les assurances sociales, par exemple les premières qui ont été mises en place par Bismarck, l'ont été donc par un empire non républicain, autoritaire, et pendant toute une période, finalement, on va dire que au niveau des assurances sociales, c'était mieux dans l'Empire que dans la République française. Donc, il y a une partie des sociaux. Et d'ailleurs, ça a servi de modèle. Exactement, de modèle social, d'inspiration. Mais du coup, l'attachement de personnalités comme Jaurès à ce modèle spécifique issu de la Révolution leur paraissait périmé du côté des Allemands. Rosa Luxembourg et d'ailleurs d'autres. Donc, il y a une mésentente, évidemment, qui va jouer un rôle non négligeable en 14, puisque il faut pas idéaliser, au-delà des grandes déclarations internationalistes, il y avait des lignes de fracture et des lignes de conflit entre les deux parts. William Mireille. Je pense que c'est très intéressant ce que vous dites sur les lignes de fracture. Il y a des lignes de fracture entre sociaux-démocrates. Bien sûr. Évidemment. entre Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg, qui sont tous issus du même parti au départ, la social-démocratie, et ensuite ce parti va se fissurer en socialiste indépendant et ensuite en parti communiste. Mais il y a des lignes de fracture à l'intérieur même des individus. Moi, je suis retombé sur une citation, vous avez cité il y a un instant August Bebel, qui est une grande figure de la gauche allemande. Et il dit ceci, pas un homme, pas un sou pour ce système capitaliste. Il dit ça. Et quelques temps plus tard, et la phrase est très importante, parce qu'il faut se rappeler du contexte de l'époque, la révolution russe, on a dit les sociodémocrates sont inféodés à la révolution russe. Eh bien, ce même Bebel dit, s'il s'agit de se battre contre la Russie, je prendrai moi-même un fusil. Et tout ça s'est rappelé par celui que je considère moi comme le plus grand mémorialiste allemand de cette période, Sebastian Haffner, Allemagne 1918, une révolution trahie, et il en parle de ça. Donc, il y a ces fractures à l'intérieur même des individus. Jean-Louis Ducange. Bien sûr, il faut savoir que le SPD, en 1912, je le disais, était le premier parti au Reichstag, et plus ce parti a grossi, plus ce parti a pris de l'importance. Il est exclu du pouvoir, hein, jusqu'alors. Il ne gouverne pas. La première fois qu'il va gouverner, c'est précisément en 1918. Mais il y a un processus d'intégration. Des historiens parlaient parfois d'intégration négative, c'est-à-dire le parti ne voulait pas spécialement s'intégrer à la société existante, mais il a été de fait. Et du coup, face notamment à l'Empire russe, qui est détesté, parce que c'est l'emblème d'un régime beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus répressif encore que l'Empire allemand, et comme dans le dispositif des alliances, la France est évidemment l'allié de la Russie, eh bien toute une série de sociodémocrates allemands disent qu'ils n'hésiteront pas à prendre des armes au cas où la guerre se déclenche. Alors, il faut préciser, parce que nous sommes toujours sous la surveillance de nos auditeurs, que le cours de terminale commence en 1875 et pas en 1914. Et donc, voilà. Il remonte en avant. Voilà, il remonte un peu plus haut que ce que nous disions jusqu'à maintenant. Victor Vassel-Lépinet. Bon, alors, revenons quand même à 1914. L'USPD, c'est-à-dire le Parti Social-Démocrate Indépendant, se crée, se scinde d'une scission avec le SPD. Comment est-ce que, dans la population allemande, pendant les quatre années de guerre, les idées du SPD et de l'USPD vont influer, se développer, prospérer? Est-ce que toute la population est centrée sur la guerre, ou est-ce qu'il y a une place pour toutes ces idées qui infusent lentement dans la société? Il y a plusieurs phases. L'USPD, donc le U veut dire indépendant en allemand, c'est un parti qui est créé en 1917, lors de la fameuse année qui est le tournant de la guerre, l'intervention américaine, la révolution russe. On a un basculement. Et si l'USPD se crée en 1917, c'est au moment où une bonne partie de la population allemande, qu'elle soit sur le front ou à l'arrière, commence à basculer. Ce qui n'était absolument pas le cas pendant les premières années de guerre. Et des groupes comme ceux autour de Liebknecht et Luxembourg, comme ce qu'on appelle les spartakistes, c'est-à-dire une minorité de gauche dans ce nouveau parti social-démocrate indépendant, va avoir un meilleur écho. La radicalité de leurs propos va être quelque chose qui est un peu plus écouté. Et symboliquement, puisqu'on évoquait 1875, hein, cette USPD est fondée à Gotha, une petite ville dans l'est de l'Allemagne. C'est pour reprendre la longue histoire du SPD, puisque 1875, c'était la première unification à Gotha déjà. Donc l'idée de l'USPD, on renoue avec nos principes d'origine contre la social-démocratie majoritaire. Mais attention, pour répondre précisément à votre question, la social-démocratie majoritaire et sa ligne de mener la guerre jusqu'au bout reste forte et très influente. La preuve, on verra lors des premières consultations électorales après-guerre qu'elle demeure très influente. Alors, venons-en à ce moment de novembre 1918, octobre-novembre 1918, puisque effectivement, il y a des négociations qui commencent à se créer au mois d'octobre pour peut-être une demande d'armistice de la part de l'Empire allemand, et que c'est à fin octobre qu'il va y avoir des débuts d'insurrection. Qu'est-ce qui se passe à Kiel en particulier, et pourquoi les marins de Kiel ou de Wilhelmshaven font partie de ceux qui vont lancer justement ce processus révolutionnaire en Allemagne, Jean-Louis Ducange? Alors c'est vrai que lorsque l'on cherche une date de départ à la révolution allemande, il en faut toujours une pour commencer, on souligne cette insurrection. Si on fait un cours, il faut donner voilà. Oui, non, je dis ça, c'est pas pour relever ça, mais c'est parce que effectivement la marine de Kiel joue un rôle important fin octobre, début novembre, sa mutinerie, c'est un symbole fort. C'est là que les choses se jouent d'une certaine manière. Et c'est vrai, vous l'avez rappelé, pendant les semaines auparavant, il n'était pas évident que l'Empire allemand s'effondre de cette manière-là et qu'il y ait une transition vers un nouveau régime politique. Là, entre guillemets, même si l'expression n'est pas très heureuse, mais l'histoire s'accélère parce qu'entre fin octobre et début novembre va se passer quelque chose d'exceptionnel. C'est que suite la mutinerie de la marine de Kiel va y avoir un écho dans toute l'Allemagne. Bon, dans de lieux qui étaient déjà bien, comment dire, pas insurrectionnels, mais bien travaillés par des contradictions. Ouais. Voilà, c'est pour ça que, en fait, depuis 17, il y a des grèves, des mutineries, même si c'est dans une moindre mesure. Là, la situation s'accélère et aboutit à quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de l'Allemagne, puisque c'est tout de même la première fois. Le 9 novembre 1918 est proclamée la République. C'était une des grandes revendications, un des grands rêves des Allemands de gauche depuis 1848. Ça avait échoué en 1848, ça avait échoué en 1871. Ce n'est pas une République qui a fait l'unité. Et là, la République, donc, dans une situation catastrophique de fin du régime, eh bien, se produit. Et quand vous dites effectivement que ce 9 novembre est une date importante, parce que au bout du compte, il y a beaucoup d'endroits qui sont insurrectionnels dans cette date du 9 novembre. Et le plus surprenant, et c'est aussi pour cela que vous avez beaucoup enregistré au mois de novembre dernier à Strasbourg, William Irigoyen, c'est que Strasbourg, comme d'ailleurs Colmar, comme d'ailleurs Metz, font partie de ces villes qui vont connaître une insurrection dans ce début de mois de novembre 1918. Vous avez eu raison de faire référence à ces mutineries de Kiel. Il faut juste quand même spécifier que la mutinerie de Kiel, elle se crée parce que l'état-major allemand dit nous prenons acte de la fin de la guerre, mais on va créer un dernier fait d'armes. Et ce dernier fait d'armes sera d'aller lutter contre la marine britannique, qui, on le sait, est extrêmement puissante. Et les marins refusent, en tout cas des marins du Helgoland et du Thuringen, qui sont deux navires, et ils refusent. Mutinerie, et ensuite s'allume la mèche de la Révolution. Maintenant, pour faire le lien avec Strasbourg, ce qui est intéressant à Strasbourg, c'est que et il y avait énormément d'Alsaciens dans la marine allemande. Absolument. Et des gens comme Wendelin Thomas, que l'on retrouve à Strasbourg, sont des gens qui, il y a quelques semaines avant, sont des marins. Et ils arrivent par train entier de la gare et ils vont participer à la création de ces conseils d'ouvriers et de soldats. Vous avez rencontré donc à Strasbourg un professeur d'histoire à l'université qui s'appelle Christian Bechler. Il nous fait le résumé de cette histoire. Pour moi, c'est une révolution importée. Et si vous voulez, il y a des éléments d'agitation en Alsace, hein, d'agitation sociale, c'est sûr. Mais le phénomène révolutionnaire lui-même est la conséquence de l'arrivée de marins de Kiel qui arrivent à Strasbourg le 9 novembre vers midi, mais aussi du reflux en particulier à la gare de Strasbourg, de soldats du front. Il y a les deux phénomènes, ça se rencontre. Hein. Il y a pas seulement ces marins. Hein. Ces matelots, disons, ce sera un peu l'explosif, si vous voulez. Et alors, on sait pas grand-chose sur ces matelots. Hein. Dublin, par exemple, parle de matelots alsaciens. Mais rien ne nous dit qu'ils étaient alsaciens-lorrains. On ne sait pas qui a organisé leur voyage non plus. Il est possible et peut-être probable que ça a été organisé. Alors, à partir de ce moment-là, le phénomène révolutionnaire ne se développe pas immédiatement. Il se développe dans la nuit, à nouveau, du 9 au 10. Il commence par la constitution, ça c'est classique, hein, en Allemagne c'est un peu la même chose, de conseils de soldats à la gare. Là, je parle de Strasbourg, évidemment, hein, mais le phénomène se développera également dans d'autres villes d'Alsace, mais disons Strasbourg, puisque le gouvernement est à Strasbourg, c'est Strasbourg qui est essentiel. Donc, il y a plusieurs conseils de soldats qui se forment, et également des conseils d'ouvriers, en particulier dans les usines qui dépendent de l'armée, si vous voulez. Et il y a un personnage qui joue un rôle important dans le développement de ces conseils. C'est un député sociodémocrate, le Badois, qui est d'origine badoise, et qui s'appelle Böhl. Et Böhl, accompagné du chef d'état-major, du gouverneur de Strasbourg, fait le tour des casernes de Strasbourg pour susciter la formation de conseils de soldats. Là aussi, c'est pas un phénomène spontané. Voilà donc l'analyse de Christian Bechler, universitaire donc à Strasbourg, autour de cette révolution qui, donc selon lui, est une révolution importée, qui s'importe donc à partir du 9 novembre à Strasbourg, comme dans d'ailleurs beaucoup d'autres villes de l'Empire allemand, qui donc n'est plus un empire à partir de cette date du 9 novembre. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Numa Ducange, sur cette importation, cette idée qu'il n'y avait peut-être pas les ressources nécessaires pour que ça prenne, cette question des révolutions, sans l'apport d'éléments extérieurs qui auraient connu ailleurs, et en particulier à Kiel, justement la mèche allumée de la révolution? Oui, la dimension d'importation est non négligeable. Au demeurant, ce qu'il y a de commun avec le reste de l'Allemagne à l'époque, bon, c'est qu'évidemment ensuite les choses vont changer, c'est la question qui vient d'être évoquée aussi des conseils d'ouvriers et de soldats. Si vous comparez au territoire français, où il n'y aura pas du tout, très très marginalement, des conseils ouvriers, le propre de la révolution allemande, un de ses moteurs et une des grandes questions des courants politiques de l'époque, c'est que faire avec ces conseils d'ouvriers et de soldats? Un tout petit rappel là-dessus, on ne peut pas dissocier de ce point de vue l'histoire allemande de l'histoire russe. Il y a eu la révolution bolchevique qui s'est faite en novembre 1917 au nom du pouvoir des soviets. Et les soviets, c'est les conseils ouvriers. Alors ces conseils ouvriers en Russie bolchevique vont se radicaliser dans une situation qui, d'une certaine manière, est bien pire et où il n'y avait pas un grand parti qui influait au départ. Donc ces soviets vont se rapprocher des bolcheviques. Alors qu'en Allemagne, la spécificité, c'est que ces conseils d'ouvriers et de soldats, ils sont qui répondent à une forte aspiration à la démocratie directe, à une lassitude de la guerre. C'est très variable, les conseils ouvriers. Dans certains endroits, c'est pour faire tourner quasiment la nourriture, la vie quotidienne. Dans d'autres, c'est beaucoup plus politisé. Donc, c'est un petit peu divers. Mais ces conseils ouvriers et soldats existent partout dans toutes les grandes villes allemandes, dont effectivement Strasbourg. Et c'est un symbole d'une vacance du pouvoir et d'un double pouvoir. Parce que faire avec ces conseils ouvriers? Est-ce que c'est eux qui vont prendre la direction de la nouvelle Allemagne républicaine? C'est ça la grande question des premières semaines de l'histoire de la première République allemande. Victor Massé de Lépinay. Et alors à la mi-décembre 1918, le 16 décembre, il y a un congrès de tous ces conseils d'ouvriers et de soldats. Et finalement, on répond à cette question. Ils répondent non, nous ne sommes pas habilités ou autorisés à prendre le pouvoir dans l'Allemagne. Oui, absolument. C'est la grande différence avec la révolution bolchevique. Là, ces conseils ouvriers, lors du grand congrès, effectivement mi-décembre, décident de s'en remettre à une assemblée constituante qui doit donc faire une nouvelle constitution, élire un nouveau président de la République. Le nouveau premier président de la République, ce sera le social-démocrate Friedrich Ebert. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pourquoi? Si on revient à nos histoires de Luxembourg et Liebknecht et de radicalisation politique, les spartakistes les plus à gauche, l'extrême gauche pour le dire vite, comptaient sur ces conseils ouvriers pour, d'une certaine manière, dans des conditions certes différentes, faire une sorte de réplique de ce qui s'était passé en Russie bolchevique. Et c'est pas exactement le contraire qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous avez le SPD, qui, nous l'avons dit, est demeuré fort malgré les scissions sur sa gauche, et ce SPD reste influent. Et parmi les délégués donc au congrès des conseils ouvriers, beaucoup sont malgré tout, pour la République certes, mais pour une République d'ordre, et on considère qu'on a déjà été assez loin comme cela, et il n'est pas nécessaire de faire la révolution plus en avant. Alors si la révolution était oubliée, quelques années encore en Allemagne, elle ne l'est plus, mais elle l'est encore, cette révolution de Strasbourg, ou ces conseils de Strasbourg, cette République socialiste de Strasbourg, elle est encore largement en France, ça ne fait pas partie de la mémoire commune de ce qui s'est passé à Strasbourg. Il y a une partie tout de même de l'opinion qui s'y intéresse, et en particulier la CGT. Vous étiez donc au mois de novembre dernier, William Irigoyen, à Strasbourg, pour en enregistré à la fois Philippe Martinez, qui avait fait le déplacement pour ce centenaire, absolument, mais également Raymond Ruck. Vous nous présentez Raymond Ruck. Il est secrétaire régional de la CGT Alsace, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en connaît un rayon sur cette page de l'histoire. Et voilà. C'est lui qui est d'ailleurs à l'initiative de cette grande opération du drapeau rouge, en partenariat avec une branche d'un syndicat allemand qui s'appelle la DGB. Sur le moment, c'est l'aspiration à la fin de la guerre qui domine. Et donc, les soldats, les marins, ils ont dégradé carrément leurs officiers. Ils leur ont arraché les insignes de commandement. Et ils ont pris un pouvoir démocratique dans l'armée. Il faut se représenter ce que c'est. Ça n'existe pas encore aujourd'hui. Aucune armée au monde ne fonctionne comme ça. Momentanément, ça a été ça. C'était les soldats, les deuxièmes classes, les gens ordinaires ont pris le pouvoir. Alors, ils ne l'ont pas pris pour copier ce qui s'était passé en Union... D'ailleurs, l'Union soviétique n'existait pas formellement à ce moment-là. Il y avait bien eu deux révolutions russes, dont la deuxième où le bolchevisme avec Lénine a pris le pouvoir. Mais immédiatement, c'est pas ça qui a été dans les têtes. Il voulait effectivement d'une part que la guerre cesse. Il se préoccupait du ravitaillement, il maintenait même l'ordre, ils organisaient les choses pour que ça se déroule. Mais alors, ce qui s'est passé très vite, c'est on ne veut plus de l'ancien régime. Il voulait effectivement une société plus démocratique. La République a été proclamée et très très souvent, on a associé à cette République le mot de social ou socialiste. Mais il ne faut pas y voir une lecture comme quoi c'était le basculement immédiat vers un régime de type communiste. Alors bien évidemment, il y avait dans ces conseils de soldats, il y a eu le nationalisme qui s'est mêlé du débat. Les gens qui étaient véritablement ce qu'on qualifiait à l'époque de vieux Allemands, c'est-à-dire des Allemands des autres régions, ben, ceux-là, ils ne posaient pas le problème en termes de réunification avec la France. Donc il y avait ces deux nationalismes qui existaient, et il y avait une troisième voie qui allait émerger, et notamment elle était portée par les marins. Il y a Thomas Wendelin, un Alsacien, qui lui a dit « Moi je suis marin, et dans la marine nous sommes des internationalistes, parce que nous naviguons sur les mers, nous avons le contact avec tous les autres pays. » Eux, ils ont monté le débat sur la question « Nous ne voulons pas des capitalistes allemands, nous ne voulons pas des capitalistes français, effectivement. » Alors, cela dit, ces débats-là ont duré une dizaine de jours, et puis après, l'armée française est arrivée, et puis l'armée française s'est comportée en mouvement, en force de répression pour la Révolution. Ils n'ont pas reconnu quoi que ce soit de ce type-là. Le premier bâtiment à être occupé à Strasbourg, ça a été l'endroit où a siégé le Conseil d'ouvriers et de soldats. C'était le tribunal. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Une fabrique de l'histoire avec Victor Massé de l'Épinay, Jean Dumas Ducange et William Irigoyen autour de ce qui se passe entre novembre 1918 et l'hiver 1919 en Allemagne, dans l'Empire allemand qui vient de s'écrouler à ce moment-là, et en particulier avec ce qu'on appelle les révolutions socialistes dans cette région et à Strasbourg. C'est ce que nous racontait Raymond Ruc. La particularité de cette opération, c'est qu'elle s'appelle Drapeau Rouge. Pourquoi Drapeau Rouge, William Irigoyen? Eh bien, parce que, figurez-vous, c'est une anecdote qui est assez peu connue, y compris par des Alsaciens. Le drapeau rouge a été hissé au sommet de la cathédrale de Strasbourg. Alors, il faut peut-être préciser... Ça, c'était le 13 novembre. C'était le 13 novembre 1918. Alors, ça a l'air d'être quelque chose d'anecdotique. Ça ne l'est pas. Parce que nous parlions tout à l'heure de division entre sociodémocrates, entre gens de gauche. Eh bien, pour les sociodémocrates strasbourgeois, encore allemand, il se divise entre deux clans, les germanistes, les allemands, et les francophiles. Et ce drapeau rouge, c'est un peu ce plus petit commun dénominateur que les révolutionnaires ont trouvé. Vous pensez bien que pour une instance qui était chargée de faire la démobilisation dans l'ordre, si on mettait des bannières tricolores en Alsace, ça allait créer le désordre. Oui, Jean-Dumas Ducange, c'est vrai que cette situation de l'Alsace est très particulière, puisque il y a des conseils révolutionnaires qui se forment à Strasbourg, à Colmar, à Mulhouse, Célestat, à Haguenau, Schiltigheim, Metz, Saverne et dans d'autres villes de l'Alsace. Donc ça veut dire que ça se répand très rapidement. Mais effectivement, il y a un problème qui va rapidement régler la situation d'une certaine façon. C'est le retour à la France de cette région. Et donc, ça va durer peu de temps. Ça va être assez intense, mais ça va durer peu de temps. Non, ce qui est intéressant dans ce temps court de l'histoire, parce que là, effectivement, personne ne l'a bien rappelé, on parle de discussions qui vont avoir lieu pendant quelques jours, parfois, sur certains points, c'est que la forte identité régionale, on dirait autonomiste, hein, pour le schématiser un petit peu, favorise d'une certaine manière les idées internationalistes. Puisque comme on est entre deux camps, que d'une certaine manière on ne veut pas diviser les troupes, et que par ailleurs, au-delà de ce problème territorial, existe une identité régionale forte, eh bien c'est ce qui permet d'avoir des projets parfois de république autonome, voire indépendante des deux pays, et d'être entre guillemets le meilleur porteur du drapeau internationaliste, d'où effectivement le drapeau rouge, qui permet de ne pas trancher, mais qui permet aussi de porter haut les idées qui, avant la Première Guerre mondiale, avait été porté par la social-démocratie allemande. Victor Massé d'Épinay. Oui, alors on vient de dire que la réunification allait régler tout ça, parce qu'en effet, en novembre, décembre 1918, elle est dans les tuyaux, si on peut dire. Mais comment est-ce que, un peu plus largement, et même au-delà de la frontière actuelle, ce qui se passe en Allemagne est vu depuis Paris par les Français, mais aussi plus largement les Alliés, qui sont en train de négocier la paix. Comment est-ce qu'ils envisagent, comment est-ce qu'ils appréhendent ce qui est en train de se passer en Allemagne avec tous ces conseils d'ouvriers et de soldats? Alors, il faut savoir que si vous lisez la presse non socialiste de l'époque, qui est évidemment très largement majoritaire en France à ce moment-là, il est très clair que la crainte majeure numéro un, c'est la crainte que l'Allemagne bascule dans le bolchevisme. Parce que la France avait été quand même quelque peu agacée que son allié à l'Est bascule du côté bolchevique. On sait toutes les tractations qu'il y a eu, la Russie, le traité de Brest-Litovsk au début de l'année 1918. Tout ça a créé de profonds remous et une crainte que l'Allemagne gagne la guerre à un moment donné. Et là, la crainte notamment de Clémenceau, c'est que l'Allemagne bascule éventuellement dans la révolution sociale parce qu'il y a ces conseils ouvriers. Certes, nous l'avons dit, ils sont du côté de la modération, mais il y a une situation malgré tout insurrectionnelle. On parle d'un moment en Allemagne où il y a eu donc près de 2 millions de morts à cause de la guerre, mais il y a encore des centaines de morts dans les rues de Berlin pendant ces premiers mois de l'année 1919. Donc c'est très important d'avoir cela en tête. Et effectivement, la crainte, c'est que tout cet espace géographique de l'Alsace jusqu'à la Pologne bascule dans le bolchevisme. Victor, William et Grigoyen. Il faut quand même préciser un point, c'est que dans les fameux 14 points de la paix du président Wilson, le huitième point, il est consacré à l'Alsace. Et que dit-il, ce point? Les torts causés à la France par la Prusse en 1871 concernant l'Alsace-Lorraine devront être réparés. Et à la fin de cette phrase, eh bien, cette phrase, elle donne lieu à une multitude d'interprétations. Mmh. On reste allemand, on devient français, on est entre les deux, quoi, qu'est-ce? Mmh. Vous avez raison d'évoquer Wilson parce que ça, c'est quelque chose qui est intéressant et important à souligner. C'est qu'en 1918, lorsqu'il y a donc ces 14 points de Wilson, Wilson est considéré même par la gauche française comme quelqu'un qui est presque un sauveur, puisqu'il y a l'autodétermination des peuples, donc qui s'applique à l'Alsace, mais qui s'applique potentiellement donc à toute l'Europe. Ce sera d'ailleurs un des principes de la reconstitution de l'Europe d'après-guerre. Et j'ai en tête cette anecdote qui est que quand Wilson arrive à Brest, il est salué par des groupes socialistes qui arrivent avec des drapeaux rouges et qui pensent que, enfin, je veux pas dire qu'ils confondent Wilson et Lénine, mais évidemment, il faut remettre dans le contexte de l'époque, mais ça veut dire, c'est symptomatique de aussi l'état d'esprit, de la façon dont les choses se reconstituent à ce moment-là. C'est le sujet du documentaire de demain, l'accueil de Wilson. Non, mais tout à fait. La CGT voulait faire un cortège séparé à Paris le 14 décembre pour accueillir Wilson. L'autorisation leur a été refusée. Alors, donc à Strasbourg, vous avez rencontré William Irigoyen, vous avez rencontré Raymond Ruc de la CGT, qui s'est fait historien de son propre syndicat et aussi donc de ce qui s'est passé pendant cette période de novembre 1918 à Strasbourg, le drapeau rouge monté sur la cathédrale le 13 novembre, mais aussi le retour des Français qui deviennent des troupes d'occupation. Juridiquement parlant, effectivement, les troupes françaises qui arriveront, on peut les qualifier de troupes d'occupation, puisque, au regard du droit national, l'Alsace-Lorraine était territoire allemand. Donc, c'est ce qui était prévu, c'est que l'armistice est signé le 11 novembre, il est prévu que 15 jours après, l'armée française, comme troupe d'occupation, va venir dans un certain nombre de territoires, dont l'Alsace-Lorraine. Alors, bien évidemment, avec la particularité pour l'Alsace-Lorraine, que, bon, dans l'esprit à la fois des dirigeants militaires français et politiques, voilà, l'Alsace va redevenir française. Dans leur tête, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Et puis, il faut dire que dans la population, c'était plutôt favorable. D'ailleurs, on le verra le 22 novembre, lorsque l'armée française va rentrer, c'est l'enthousiasme, c'est l'éblouissement tricolore. Alors, 15 jours, bon, ils sont arrivés 3 jours plus tôt, parce qu'on leur a demandé d'arriver plus vite, parce que les bourgeois, il faut les appeler par leur nom, ils ont commencé à avoir peur de la révolution sociale. Et donc, on a fait accélérer les choses. Donc après, bon, c'est relativement bien, puisque les conseils d'ouvriers et de soldats, ils n'ont pas cherché à affronter l'armée française, les armes à la main. Alors, réellement, il y a eu enthousiasme, mais très vite, ce qui se passe, c'est que finalement, les autorités françaises comportent en autorité coloniale. Ils instaurent 4 cartes d'identité différentes, on trie les gens. Les Alsaciens qui avaient 4 grands-parents qui étaient français attestés avant 1870 ont une carte d'identité dite A. Ceux qui avaient eu à un moment donné un parcours différent, il suffisait qu'un seul grand-parent n'était pas d'origine française, ils avaient une carte d'identité B, donc, et avec moins de droits. Ensuite, les étrangers qui étaient de pays qui n'avaient pas été en guerre avec la France, ils ont une carte d'identité C et les autres une D. Et donc, on trie la population. On impose tout de suite la langue française, alors que la population, elle ne parlait pas le français, elle ne l'avait plus appris à l'école, mis à part dans la bourgeoisie ou quelques francophiles qui avaient fait apprendre le français à l'école. Mais autrement, à 95%, la population, c'était l'alsacien, et la langue juridique, la langue administrative, c'était l'allemand. On ne pouvait pas basculer du jour au lendemain dans tout ça. Et ensuite, très vite, sont nés des problèmes sociaux, d'une part parce que la France a imposé une nouvelle frontière, donc effectivement, les échanges économiques ont été perturbés, il y a eu du chômage, et puis, donc, il y avait également des revendications sociales. Ça s'est particulièrement passé dans la partie Lorraine, où il y a eu immédiatement des grèves. C'est l'armée française qui les a réprimées, qui a soutenu les patrons. Donc, c'était un bouillonnement social. Voilà donc ce qu'explique Raymond Rugg de la CGT, que vous avez enregistré William Irigoyen lors de la manifestation du 100e anniversaire de ce drapeau rouge posé sur la cathédrale de Strasbourg. Un épisode tout de même très peu connu dans notre histoire, en l'occurrence Jean-Dumas Ducange. Oui, très peu connu. Alors peut-être un des épisodes les plus connus, c'est le fait que la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, par définition, puisque c'était en Allemagne, ne s'applique pas à ces régions, et que jusqu'à nos jours, plusieurs gouvernements ont essayé de l'appliquer, qu'ils n'y ont pas réussi. Donc ça, c'est un des héritages peut-être les plus connus dans la population française. Juste un autre point, bon, il y aurait bien des exemples à prendre. Outre ce qui a été évoqué, on peut prendre le problème des partis politiques. Parce que la situation politique allemande était très différente de la situation politique française. Pour en rester du côté de ceux qui vont jouer un rôle pendant les révolutions, du côté des sociaux-démocrates allemands, le SPD existait avec ses syndicats. Ça n'avait rien à voir avec la SFIO, la CGT française. Donc il va y avoir toute une problématique intéressante de voir comment des anciens membres du SPD, de la social-démocratie, au-delà des problèmes de langue, ça, accoutumés à des, entre guillemets, des mœurs et des logiques politiques tout à fait de la France, vont se réintégrer dans le Parti socialiste français. Donc là, on est dans un entre-deux, dans les années 20, qui est d'ailleurs un peu plus étudié désormais. Donc ça fait partie des sujets qui sont aussi, désormais sur le devant de la scène, qui sont méconnus, mais qui ont joué un rôle, y compris dans la configuration politique spécifique de l'Alsace, sur le long terme. Jusqu'à nos jours, ce serait peut-être un peu ambitieux de dire cela, mais pendant longtemps, une configuration très particulière de la gauche et de la droite dans cette région, qui vient en partie de l'époque allemande. Alors, les divisions de la gauche allemande jusqu'à aujourd'hui, William Irigoyen, sont marquées par ce qui se passe dans cette période de l'hiver 1918-1919, donc il y a 100 ans. Vous avez rencontré Axel Weipert, qui est un historien justement de ce qui s'est passé en particulier en janvier 1919 à Berlin. Historien qui a étudié la philosophie et qui a aussi consacré de nombreux ouvrages à cette période de l'histoire. Je pense en particulier à l'un d'entre eux qui n'est pas traduit malheureusement en français et qui s'appelle en allemand Die Zweite Revolution, la deuxième révolution, donc de 1918-1919. On l'écoute dans une traduction de vous-même, William Irigoyen. Des soulèvements à cette époque, il y en a un peu partout en Allemagne. À Munich, dans la Ruhr, à Halle, Leipzig, Hambourg, à Berlin, ils ont bien sûr une autre dimension. D'abord parce qu'il s'agit de la plus grande ville du pays, parce qu'il y a de nombreuses industries, parce que c'est le siège du gouvernement central aussi. Les autres provinces regardaient avec attention la situation à Berlin. Ce qui s'est passé dans la capitale est devenu une sorte de modèle. On peut donc dire que la ville a joué un rôle fondamental dans la révolution. Pour autant, elle n'était qu'un foyer parmi d'autres de l'agitation révolutionnaire. Es ist sozusagen ein wichtiger Ort, aber nicht der einzige. Das würde bedeuten, en fait, il n'y a pas de consensus politique concernant cette révolution allemande. Der Revolution in Deutschland. Ganz genau. Also, c'est vrai. Es gibt, wie gesagt, chacun juge à l'aune de ses propres convictions politiques. Prenez l'exemple de Munich. Ce que les politiciens de la droite conservatrice au pouvoir considèrent comme positif dans ce Land, c'est le fait que Kurt Eisner, révolutionnaire socialiste le plus emblématique de leur histoire, ait revendiqué le statut d'État libre pour la Bavière. Ils se sont accaparés un slogan qui, aujourd'hui encore, leur permet de briller. Or, Eisner était très éloigné de ce qu'en ont fait les conservateurs. Il était pour un socialisme démocratique. Pour répondre à votre question, il n'y a pas de consensus politique sur l'héritage de la Révolution, et c'est précisément ce qui rend les recherches et les essais sur cette page de l'histoire aussi passionnantes. À Berlin, les radicaux étaient très forts. À Kiel, c'était plutôt les modérés. À Munich, c'était une révolution beaucoup plus intellectuelle. Chaque révolution avait ses spécificités. Mais il y avait quand même deux points communs. Au-delà de leurs différences, les révolutionnaires aspiraient à la création de conseils, ceux-ci étant considérés comme l'incarnation d'une véritable démocratie. Et puis il y avait cette idée communément partagée de mettre fin à la guerre. N'oublions pas que cette révolution démarre après 4 ans de conflit. Et c'est elle qui y met fin, tout du moins dans cette partie de l'Europe. Voilà donc ce que vous déclarez, donc Axel Weiper, historien spécialiste de cette période à Berlin. William Irigoyen, nous avons donc sauté de Strasbourg à Berlin, de novembre 18 à janvier 1919. Victor Massel-Lépinay. Oui, nous sommes à la sortie de la guerre et hier dans notre émission, un texte d'André Tardieu que nous avait lu Daniel Königsberg avait suscité une petite discussion parmi nos intervenants. André Tardieu disait que la situation en Allemagne en novembre 1918, à la sortie de la guerre, était finalement assez bonne, situation financière, situation industrielle, situation économique. Ça avait suscité une conversation. J'aimerais avoir un peu votre éclairage. Toute cette révolution, dans quel contexte économique et social a-t-elle lieu? Est-ce que l'Allemagne est exsangue ou est-ce que finalement, est-ce qu'elle est écrasée par la défaite? Est-ce qu'elle reconnaît, est-ce qu'elle comprend sa défaite aussi intellectuellement? Ou est-ce que la situation va plutôt finalement pas si mal? De ce que j'ai pu en comprendre après avoir étudié quand même l'Allemagne de cette période pendant quelques temps, pas l'impression que l'Allemagne soit, si je puis me permettre l'expression, au top de sa forme. Sinon, il n'y aurait pas eu de révolution, de milliers de conseils ouvriers et de soldats, et surtout de changement de régime. Il faut se rappeler, là, il y avait une légitimité au Reich allemand. C'était pas un régime fragile avant la guerre. C'est ce Reich des Hohenzollern qui avait réussi à faire l'unité allemande, qui était la grande question du 19e siècle. D'ailleurs, la gauche, vous citiez Bebel tout à l'heure, Bebel, dans ses discours, à un moment donné, est obligé de reconnaître que l'Empire allemand a quand même réalisé cette unité. Eux, ils auraient préféré que ce soit la voie républicaine qui l'emporte. Donc, on ne pense pas qu'on puisse considérer que la situation soit bonne, surtout que la situation, après les premiers mois de la Révolution, il y aura une inflation absolument terrible. La situation économique, les tickets de rationnement, enfin, tout ça est quand même très remarquable au niveau de la situation. Et on ne peut pas expliquer les insurrections à répétition, encore une fois, je laisse jusqu'en octobre 1923, sans avoir en tête cette situation-là. Et la situation de Berlin, avec en particulier les assassinats de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg en janvier 1919, est une situation particulière parce que c'est le cœur tout de même de cet empire. Alors on évoquait l'héritage. Il y a un symbole aujourd'hui très fort qui nous permet de comprendre d'une certaine manière les lignes de clivage de l'époque. Il y a deux fondations rattachées aux deux grands partis de gauche en Allemagne aujourd'hui. Celle du SPD s'appelle la Friedrich Ebert Stiftung, la fondation Friedrich Ebert. On a évoqué son nom à Friedrich Ebert, mais c'est le premier président de la République de Weimar, celui qui va assumer d'une certaine manière, avec Noske et Scheidemann, deux autres responsables sociodémocrates, de réprimer les plus à gauche de l'époque, les plus radicaux, dont les emblèmes sont Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, qui sont donc assassinés effectivement le 15 janvier 1919. Et Rosa Luxembourg est l'emblème aujourd'hui de la gauche entre guillemets radicale, puisque la fondation du parti Die Linke, dont il y a déjà été question, s'appelle la Rosa Luxembourg Stiftung. Donc cela est vraiment très important, puisque les emblèmes des deux gauches, si je puis dire, jusqu'à nos jours, sont deux personnes qui, c'est pas qu'elles se sont entretuées, c'est que Friedrich Ebert, responsable politique, a assumé le fait qu'il fallait rétablir l'ordre dans les conditions de l'Allemagne à l'époque, et s'est appuyé sur les corps francs, donc des militaires démobilisés, qui veulent absolument des coudes avec les révolutionnaires, puisque c'est eux qui ensuite diront, c'est le coup de poignard dans le dos, la gauche nous a trahis, elle nous a fait perdre la guerre, donc assassinent sauvagement Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Mais il faut dire qu'il n'y a pas que deux, parce que c'est vrai que c'est les symboles, mais pendant plusieurs mois, ensuite plusieurs semaines, il va y avoir des répressions à répétition, notamment au mois de mars 1919, répression très forte du gouvernement, donc qui à partir de mi-janvier est un gouvernement de coalition. C'est important, on parle toujours des grandes coalitions en Allemagne. C'est à partir de ce mois-là que la stratégie de grande coalition se met en place, de coopération entre la gauche et la droite, entre guillemets. Et donc Friedrich Ebert va devenir en février 1919, donc quelques jours après la mort de Liebknecht et Rosa Luxembourg, donc le président de cette nouvelle république allemande, William Irigoyen. Il y a aussi une ligne de fracture entre sociodémocrates, entre têtes des sociodémocrates, parce que Scheidemann, qui proclame la république en 1919, il est contre l'idée d'entrer au gouvernement et de prendre des responsabilités dans cette Allemagne post-impériale. Or, Friedrich Ebert, qui est le leader du SPD, il expliquait que si tout s'écroulait, le parti ne devait pas s'exposer au reproche d'avoir refusé de coopérer alors que l'on on le pressait de toutes parts. Et c'est cette ligne-là, c'est celle de Friedrich Ebert qui l'a emporté. Oui, l'idée d'Ebert et de cette partie de la social-démocratie, c'est d'assumer le pouvoir, chose qu'ils n'avaient faite avant 1914. Et là, ils estiment qu'une fois la République proclamée, une fois certains accords passés, certaines lois votées, eh bien, dans le cadre de l'État existant, on va pouvoir progressivement réformer cette vieille machine, entre guillemets, prussienne, que l'on a longtemps combattue. C'est la logique. Il faut savoir qu'un des éléments du consensus de départ qui explique, on ne l'a pas dit, mais mi-janvier, lorsqu'il y a les élections à la Constituante, le SPD est très haut, est à 37-38%. Donc c'est un score qui ferait rêver les sociodémocrates à d'autres époques. Donc s'ils ont un score très haut, c'est parce que il y a un certain nombre de choses qui ont été votées. On va voir la loi des 8 heures. Alors ce n'est pas exceptionnel, vu que c'est ce qui va être voté par Clémenceau aussi en France. Mais enfin, il y a un contexte aussi où on lâche quelques éléments du point de vue de la question sociale, parce que la crainte du bolchevisme a plusieurs effets. Il y a une crainte, effectivement, militaire, politique, mais il y a aussi un certain nombre de choses qui sont faites à ce moment-là. Et donc, ce moment est un moment très important. Il faut juste évoquer avec vous, Jean-Dumais Ducange, le fait que, vous l'avez dit, ça continue. Il y a des révoltes, des tentatives de révolution qui vont durer jusqu'en 1923. La Bavière fait partie de ce qu'il faut mentionner pour pouvoir conclure peut-être notre discussion autour de cet hiver particulier de 1918-1919. Dans l'immédiat, l'événement le plus important du point de vue de la Révolution, il y a la République des Conseils de Bavière, donc qui a une forte dimension, un peu comme en Alsace, d'une certaine manière autonomiste, avec une identité régionale très forte. Une révolution qui est portée par Kurt Eisner, une figure de la social-démocratie allemande d'avant 14, qui va durer très peu de temps, quelques semaines, qui va se terminer en mai 1919. Il va y avoir deux gouvernements successifs. Je passe sur les différentes configurations, mais c'est la preuve que l'aspiration à une démocratie radicale, plus directe, plus à gauche d'une certaine manière que ce qui avait été proclamé à Berlin par Scheidemann et Ebert, se poursuivait. Il faut savoir que c'est à Munich quand même et que la répression va avoir lieu à Munich et on sait combien Munich va jouer ensuite un rôle important dans l'histoire allemande du point de vue de l'histoire de l'extrême droite, bien sûr. Un extrait du morceau Spartacus d'Ernst Busch. Hast du gesehen auf deinem Friedrichsfelde ruht so manches tapferes Spartakus Blut auf deinem Frieden. Un extrait donc du Spartacus de Ernst Busch sur une musique de Hans Eisler, un morceau de 1919. Demain, nous concluons avec vous, Victor Massé-Lépinay, le documentaire que vous avez préparé pour nous, cette série sur 1919, Année de la paix, et nous reviendrons sur cette figure que nous avons évoquée quasiment dans toutes les émissions depuis le début de la semaine, y compris celle d'aujourd'hui, celle du président Wilson. Oui, une figure centrale de cette discussion, la figure centrale sans doute, et sur ce moment Wilson, comme l'historiographie a appelé ce début d'année 1919, Wilson est arrivé en France le 13 décembre, Jean-Dumas Ducange l'a dit, à Brest. Il est resté en France 6 mois. Les Français, ça aussi, l'ont un peu oublié aujourd'hui, jusqu'au lendemain du traité de Versailles. Et on s'est un peu interrogé, avec Anne Fleury, avec nos intervenants, sur les relations que les Français ont eues avec ce président, avec ce fantasme de président, et puis avec ce vrai président. Il est reparti dans un enthousiasme un peu moins grand que celui dans lequel il était arrivé. Un extrait de votre documentaire. Wilson considère finalement que les dirigeants européens sont dépassés par les événements, qu'ils ont déclenché une guerre qu'ils ne sont pas capables d'arrêter, qu'il faudra faire la paix, y compris par-dessus les gouvernements, parce qu'il a cette conscience du soutien populaire qu'il va vraiment expérimenter de près. Et en même temps, ce soutien populaire va un peu l'effrayer, notamment quand il est sur le bateau qui l'amène en Europe et à Brest. Il dit « Cela me fait peur quand je pense à ce que les peuples du monde civilisé attendent comme résultat de la conférence de la paix. » Il y a véritablement un moment collectif, très émotif, où l'arrivée du président Wilson signifie quelque chose. Ce n'est pas simplement une Wilson-manie en soi, mais c'est aussi un moment où on a l'impression que le monde va basculer, qu'il y a un changement possible. Et tout ça s'incarne à travers la figure du président. Dans votre livre, Karl Bouchard, vous publiez la lettre d'Auguste Mangeot. Oui, c'est une des très, très belles lettres du corpus. D'une part, elle est très bien écrite. Auguste Mangeot, qui est un critique musical, qui a une certaine carrière dans le monde musical, qui a fondé l'École libre de musique de Paris après la guerre, Auguste Mangeot voit arriver Louis-Hun le 14 décembre, mais ne peut pas y assister puisque sa femme accouche ce jour-là. Et le soir même de cette journée, il écrit à Louis-Hun un mot magnifique qui raconte la naissance de son enfant. Et ce qui est fascinant dans cette lettre, c'est que Mangeot associe la douleur de la mère qui donne naissance à son enfant à la douleur des peuples qui ont combattu pendant 4 ans et demi et qui désormais verront la naissance d'un nouveau monde. Donc cette association-là, pour moi, est assez significative du nouveau monde qui va naître potentiellement à partir de 1919. Wilson est un président qui a beaucoup compté, hein. On parle même en théorie politique de wilsonisme, donc voilà, c'est quand même rare qu'un président ait donné son nom à une manière d'envisager les relations internationales, mais on voit bien qu'il correspond à un moment très particulier. Aujourd'hui, quand on fait des sondages, c'est que les Américains aiment beaucoup classer les présidents, quand on demande quels sont les grands présidents du XXe siècle, les gens instruits placent Wilson, les autres, ce n'est pas un nom qui vient spontanément à l'esprit. Voilà donc un extrait de votre documentaire Victor Massette d'Épinay que vous avez réalisé avec Anne Fleury sur Monsieur Wilson à Paris. On connaissait la Franklin Mania avant la Révolution française. On connaît peut-être un peu moins la Wilson Mania de ce moment de l'après-guerre, Première Guerre mondiale et de 1919. Donc lorsque le président américain se trouve à Paris pour négocier le traité de Versailles, ça sera le documentaire qu'on écoutera demain dans la Fabrique de l'Histoire. Merci à vous Jean-Numa Ducange. Merci à vous William Irigoyen pour les reportages que vous avez réalisés autour de cette question des révolutions allemandes de 1918-1919. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Alexandre Dang était aujourd'hui à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr.